Chapitre 5e, 4e voyage. Découverte des îles Caïmans, Martinique, les Monares, Guanaga, des côtes du Honduras, du Mosquito, du Nicaragua, de Verania, de Costa Rica, de Portobello, de Panama, des îles Malata et du golfe de Darien. L'émotion passée, l'indifférence, si naturelle au grand, revint. Colomb, rétabli dans son titre d'amiral, ne le fut point dans celui de vice-roi. Bien plus, Bovadilla, qui lui avait succédé de fait dans l'île espagnole, ayant été rappelé, plus peut-être à cause de ses exactions et de sa conduite si atroce envers les Indiens, que la population indigène diminua considérablement dans son gouvernement, que pour venger Christophe Colomb, le grand navigateur ne fut pas renvoyé dans la colonie qu'il avait fondée. Ce n'était pourtant pas une disgrâce, mais par un sentiment de délicatesse qu'on apprécie assez peu dans ce temps-là, Isabelle ne voulait pas que son protégé eût la mission pénible d'emprisonner son ennemi. Un autre gouverneur fut nommé et partit pour l'île espagnole. Colomb ne réclama pas, mais en présence des résultats que commençait à donner la colonie, résultats qui, 3 ans après, devaient augmenter de 60 millions les revenus de la couronne, il demanda instamment, bien qu'il fût âgé de 66 ans, à entreprendre un 4e voyage et toujours dans son idée que l'Asie était là où se trouvait réellement l'Amérique. Il donna une raison si plausible qu'elle décida le roi à équiper une nouvelle flottille. Vasco de Gama revenait des Indes après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance. Colomb, qui était convaincu qu'il n'était séparé des terres découvertes par lui que par un détroit, voulait s'y rendre par les routes de l'Ouest, et cela même sans revenir à l'île espagnole et aux colonies déjà installées. Il partit de Cadiz le 9 mai 1502, avec 4 bâtiments, dont le plus grand ne jaugeait que 70 tonneaux, emmenant avec lui 150 hommes d'équipage, son frère Barthélemy et un enfant de 13 ans, Fernand, qu'il avait eu d'un second mariage. La flottille, après avoir relâché le 20 mai à la Grande Canarie et touché successivement à la Martinique, à la Domingue, à Sainte-Croix et à Porto Rico, arriva le 29 juin en face de l'île espagnole. L'intention de Colomb n'était point de débarquer sur cette terre dont on l'avait si indignement chassé, mais une voie d'eau s'étant déclarée dans sa caravelle, il fit demander au gouverneur l'autorisation d'entrer dans le port. Nicolas Obando, qui avait succédé à Bovadilla, la lui refusa. Ce n'était pourtant point un méchant homme, mais il craignait que la présence de l'amiral dans la colonie n'y causât des difficultés et peut-être même des désordres. D'autant qu'à ce moment, Bovadilla, prisonnier d'État, était sur un des 34 navires d'une flotte qui, chargée des richesses de la colonie et de plus de 10 millions en or, se préparait à partir pour l'Espagne. Christophe Colomb se contenta de ces mauvaises raisons et y répondit même par un bon avis. Sa connaissance de la mer lui faisant redouter une tempête prochaine, il fit engager le gouverneur à retarder le départ de sa flotte. Il pouvait se taire et laisser aux éléments le soin de sa vengeance, mais une grande âme comme la sienne ne connaît pas le ressentiment. Il n'en fut pas moins vengé, et en toute sûreté de conscience, car Obando n'écouta pas ses avis, et la flotte mit à la voile et fut dispersée en vue des côtes par un ouragan, comme on n'en avait encore pas vu dans ces passages. 24 navires furent engloutis corps et biens, et tous les accusateurs de Colomb, y compris Bovadilla, périrent dans ce naufrage auquel la flottille de l'amiral échappa en partie parce qu'elle avait eu le temps de se mettre à l'abri dans une petite anse. Son voyage n'en fut pas moins très malheureux. Ses caravelles, en fuyant devant la tempête, avaient beaucoup souffert. La bourrasque continua d'ailleurs et les jeta le 14 juillet en vue de la Jamaïque. Puis, de grands courants les emportèrent vers le sud-ouest, où elles luttèrent pendant 60 jours, sans pouvoir faire plus de 60 lieues, et elles furent enfin rejetées vers la côte de Cuba. Ces contretemps amenèrent la découverte des îles Caïmans et de l'île des Pins. De là, Colomb chercha sa voie dans cette mer qu'aucun navire n'avait encore parcourue. Il prit au sud-ouest, arriva le 30 juillet à l'île Guanaga et le 14 août à cette langue de terre qui, prolongée par l'isthme de Panama, réunit les 2 continents de l'Amérique et qu'il appela Cap Honduras. Pour la seconde fois, il touchait à la terre ferme. Il s'en rendit bien compte, puisque pendant plus de 9 mois, il côtoya ses rivages dont il adressait une carte qui comprend la côte américaine depuis le point où fut depuis Truxillo jusqu'au golfe de Darien. Mais il lutta contre tant de périls de toutes sortes, il essuya tant de tempêtes, que le découragement qui s'empara de lui l'empêcha de mettre à profit ses découvertes. On peut en voir la preuve dans le récit qu'il fait lui-même de la tempête qui l'assaillit le 14 septembre, un peu après, qu'il eut doublé le cap de Gracias a Dio. Pendant 80 jours, dit sa lettre au roi, les flots continuèrent leurs assauts, et mes yeux ne virent ni le soleil, ni les étoiles, ni aucune planète. Mes vaisseaux étaient entr'ouverts, mes voiles rompues. Les cordages, les chaloupes, les agrès, tout était perdu. Mes matelots malades et consternés se livraient aux pieux devoirs de la religion. Aucun ne manquait de promettre des pèlerinages, et tous s'étaient confessés mutuellement, craignant de moment en moment devoir finir leur existence. J'ai vu beaucoup d'autres tempêtes, mais je n'en ai jamais vu de si longues et de si violentes. Beaucoup des miens qui passaient pour des matelots intrépides perdaient courage. Mais ce qui navrait profondément mon âme, c'était la douleur de mon fils, dont la jeunesse augmentait mon désespoir, et que je voyais en proie à plus de peine, plus de tourments qu'aucun de nous. C'était Dieu, sans doute, et non pas un autre, qui lui prêtait une telle force. Mon fils seul rallumait le courage, réveillait la patience des marins dans leurs durs travaux. Enfin, on eût cru voir en lui un navigateur qui revieillit au milieu des tempêtes, chose étonnante, difficile à croire, et qui venait mêler quelques joies aux peines qui m'abreuvaient. J'étais malade, et plusieurs fois, je vis l'approche de mon dernier moment. Enfin, pour mettre le comble à mon malheur, 20 années de service, de fatigue et de péril ne m'ont apporté aucun profit, car je me trouve aujourd'hui sans posséder une tuile en Espagne, et l'auberge seule me présente un asile lorsque je veux prendre quelque repos ou les repas les plus simples. Encore m'arrive-t-il souvent de me trouver dans l'impuissance de payer mon écho. On comprend que dans cette disposition d'esprit, Colomb n'ait pas pu conserver toute l'énergie nécessaire à un chef d'expédition. Il n'en continua pas moins avec courage ses explorations de la côte américaine, qu'il baptisa successivement des noms de Honduras, Mosquito, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Ensuite, il découvrit les 2 îles Limonares, puis vint jeter l'ancre dans la baie de l'Amirauté, en face du village de Carrier, où il relâcha jusqu'au 15 octobre, employant plutôt ce temps à la réparation de ses navires qu'à prendre un repos dont lui et son équipage avaient pourtant grand besoin. L'amiral, se croyant alors peu éloigné de l'embouchure du Gange, commença à suivre la côte boisée de Verania, ce qu'il fit jusqu'au 26 novembre, époque à laquelle il dut rentrer au port de Escribanos, qu'il appela El Retrete, pour réparer ses bâtiments qui, rongés par les vers, étaient dans l'état le plus déplorable. Une tempête de 9 jours, qu'il essuya en sortant de ce port, le priva encore une fois de ses cordages, voiles et ancres. Ses navires désemparés, ouverts de tous côtés, purent cependant regagner la rivière à Verania. Mais n'ayant pas trouvé un abri sûr, ils allèrent mouiller, le 6 janvier 1503, à l'embouchure de la rivière Yebra, à laquelle Christophe Colomb avait donné le nom de Bethléem. Pendant que ces gens se livraient à un travail de réparation toujours imparfait, puisque ces navires étaient plus d'à moitié pourris et que les tempêtes se succédaient presque sans interruption, l'amiral nouait des relations avec les naturels du pays. Le cacique de Bethléem, qui s'était montré très accommodant, lui indiqua, à Saint-Cloud dans l'intérieur, une contrée où l'or était si abondant qu'un homme seul pouvait en recueillir une mesure en 10 jours. Il envoya aussitôt, sous la conduite de son frère Barthélemy, 70 hommes qui, en quelques heures, en ramassèrent une quantité si considérable qu'il oublia Cuba et San Domingo, pour ne plus penser qu'à s'établir près de la source des richesses le 6 février. Les Européens, installés dans des baraques en bois, purent se livrer d'abord avec ardeur à l'extraction de l'or, qu'ils entassaient aussitôt dans leurs vaisseaux. Mais bientôt le cacique, irrité de leur usurpation, résolut de les massacrer et de brûler leurs habitations. Il attaqua le camp espagnol avec des forces relativement considérables qui se débandèrent sous le feu des Européens et le laissèrent prendre avec ses enfants. Mais il parvint à s'échapper et revint à la charge avec de nouvelles bandes que les Espagnols exterminèrent en grande partie. Colomb était vainqueur, mais la guerre allait se perpétuer, et il ne pouvait plus songer à fonder un établissement sur cette côte, vu le petit nombre de ses hommes. Il pensa donc à la quitter au plus vite, se réservant d'y revenir quand il serait en force. De ses 4 caravelles, 3 seulement purent prendre la mer, et encore n'eut-il pas fait 30 lieues qu'il fut obligé de regagner la côte en toute hâte pour décharger un autre de ses navires dont les avaries étaient désormais irréparables. Il le laissa à Portobello et dut continuer sa route avec 2 caravelles, sans chaloupe et presque sans provisions. Aussi ne chercha-t-il pas à aller plus loin, quand il eut reconnu le groupe des îles Mulatas et pénétré dans le golfe de Darien. il se dirigea vers l'île espagnole. Il était déjà en vue des îles Caïmans, lorsque le 10 mai, une nouvelle tempête éclata qui le repoussa dans le nord-ouest jusqu'auprès de Cuba. Là, il perdit ses voiles, ses ancres et ses deux navires se fracassèrent l'un contre l'autre pendant la nuit. Les gros temps continuèrent près de 2 mois. Il ne put leur échapper que le 28 juin, en mouillant à la Jamaïque dans le port Sainte Gloria, qu'on appelle aujourd'hui baie de Don Christophe. Mais alors, ses caravelles étaient si hors d'état de tenir la mer qu'il n'osa plus tenter une navigation de 30 lieues pour aller les réparer et se ravitailler à l'île espagnole. Le salut ne pouvait pourtant venir de ce côté, tout le monde le sentait bien. Et leurs hardis officiers, nommés Fieschi et Mendez, proposèrent à l'amiral d'essayer la traversée de la Jamaïque à l'île espagnole sur des pirogues indiennes. Christophe Colomb, qui l'eût tenté lui-même, si, brisé par la maladie, il n'eût été retenu sur un lit de douleur, les laissa partir et demeura, presque sans vivre, avec le restant de son équipage sur cette île sauvage. Fieschi et Mendez arrivèrent sans encombre à l'île espagnole, mais le gouverneur Obando, en leur promettant tous les jours un navire pour rapatrier l'amiral, les fit attendre 1 an, pendant lequel les naufragés restèrent sans nouvelles. Cet isolement et cette misère ne tardèrent pas à exaspérer une partie des compagnons de Colomb. Ils s'imaginèrent que leur chef n'osait pas retourner à la colonie, dont le gouverneur lui avait déjà refusé l'entrée parce que les ordres du roi étaient précis à cet égard. Ils se virent enveloppés dans cette proscription et se révoltèrent, comme si un acte d'hostilité pouvait les en affranchir. Le 2 janvier 1504, le capitaine d'une des caravelles, le trésorier militaire et leurs officiers, les frères Porras, se mirent à la tête des mécontents et vinrent sommer l'amiral de les ramener en Castille, résolus, devant l'impossibilité matérielle, que leur opposait celui-ci à tenter la traversée sur les canaux des naturels du pays. Colomb, de plus en plus malade, essaya de les retenir, mais la lutte s'accentua à ce point qu'il fallut que Barthélemy et le jeune Fernand fissent à l'amiral un rempart de leur corps. Les révoltés coururent alors au rivage, s'emparèrent de toutes les embarcations qu'ils purent trouver et se dirigèrent vers l'extrémité orientale de l'île où ils pillèrent les habitations indiennes sans autre but que de rendre l'amiral et les quelques fidèles qui étaient restés avec lui responsables de leur violence. Ivres de fureur, ils entraînèrent quelques indigènes, sous prétexte de leur servir de pilotes, à bord des bateaux qu'ils leur avaient volés. Mais ces canots ne purent pas résister à la haute mer, et Porras et ses compagnons se virent obligés de revenir à la côte de la Jamaïque après avoir noyé leurs prisonniers pour alléger leurs embarcations. Ces infamies exaspérèrent naturellement tous les indigènes, et l'amiral fut obligé, pour dégager sa responsabilité, de marcher contre ses anciens compagnons. Barthélemy leur livra presque une bataille, s'empara de leur chef, et s'il ne les fit pas rentrer immédiatement dans le devoir, du moins les dispersa-t-il assez pour qu'ils ne fussent plus un danger. L'ordre se rétablit peu à peu, mais la misère s'accroissait et la famine devenait redoutable. Jusque-là, les Indiens avaient fourni des provisions, mais ils se lassèrent bientôt de nourrir ces étrangers qui avaient perdu à leurs yeux tout leur prestige depuis qu'ils avaient vu se battre entre eux comme des hommes ordinaires et refusèrent d'apporter des aliments. Christophe Colomb sauva lui et les siens par une petite charlatanerie bien excusable en pareil cas. On était à la veille d'une éclipse de lune qu'il avait prévue et calculée. Pour se refaire un prestige, il convoqua tous les chefs et caciques des environs, et après leur avoir demandé des vivres que ceux-ci refusèrent, il leur reprocha leur dureté et les menaça du courroux céleste. « Pour vous en donner une preuve, leur dit-il, je vais d'abord ordonner à la lune de vous refuser sa lumière. » Les sauvages se retirèrent non convaincus, mais le soir arrivant, quand ils virent que l'ombre de la terre cachait la lune, ils accoururent en foule se jeter aux pieds de Colomb et, mettant toute leur richesse à sa disposition, le supplièrent d'intercéder en leur faveur. L'amiral joua son rôle jusqu'à la terminaison de l'éclipse et feignit de céder à leurs prières en leur rendant la lumière de la lune. Dès lors, la petite colonie ne manqua plus de rien. Mais qu'était-ce que la vie matérielle en présence de l'isolement et de l'exil? Enfin, après 8 mois d'attente, arriva de l'île espagnole un navire commandé par Diego Escobar. Mais cet officier, qui était un ennemi particulier de l'amiral, venait seulement pour se rendre compte de la situation. Il ne conféra pas avec Christophe Colomb, il se refusa même à débarquer et repartit après avoir laissé à terre, pour toute provision, un porc et un baril de vin. Cette cruelle raillerie, qui ne pouvait avoir été commandée par le gouverneur de l'île espagnole, indigna l'amiral, mais il n'en laissa rien voir. Au contraire, il rassura ses compagnons en leur assurant que, leur situation étant désormais connue, leur délivrance n'était plus qu'une question de temps. En effet, 4 mois plus tard arriva un navire équipé par Mendès et Fieschi aux frais de l'amiral, et le 24 juin 1504, les naufragés furent rapatriés sur l'île espagnole. Ovando reçut d'abord Christophe Colomb avec des démonstrations de respect qui n'étaient que feintes, car bientôt les tracasseries recommencèrent. Obligé de remettre en liberté, sans jugement, ceux des révoltés qui avaient été faits prisonniers, l'amiral, dégoûté par tant d'amertume, humilié dans sa dignité, maltraité même dans sa personne, fréta 2 navires et prit pour la dernière fois le chemin de l'Europe le 12 septembre 1504. Après une traversée très tourmentée, Colomb, malade et irrité de ses malheurs immérités, débarqua le 7 novembre au port de Sanlúcar. La première nouvelle qu'il y apprit fut un coup de foudre pour lui. Sa protectrice, la reine Isabelle, venait de mourir, et il n'avait rien de bon à attendre de Ferdinand, roi ingrat et envieux, qui reçut d'ailleurs plus que froidement l'homme de génie qui avait dépensé sans compter sa santé et sa vie pour lui donner un monde et tripler les revenus de sa couronne. Colomb, vieilli, épuisé, plus encore par les fatigues que par les années, ne demandait qu'à terminer sa carrière si glorieuse dans une retraite honorable. Ferdinand ne lui ménagea ni les faux fuyants ni les lenteurs, et quand il crut celui qu'il avait fait solennellement, vice-roi de l'océan Indien, suffisamment abattu par le découragement et presque par la misère, il eut le courage de lui offrir le gouvernement de Casmon de los Condes, petite ville de la Castille, en échange de ses titres et de ses dignités. Cet excès d'ingratitude accabla le grand homme. Sa santé, si profondément compromise, s'altéra de plus en plus, et il mourut à Valladolid le 20 mai 1506, à l'âge de 70 ans. Le malheur n'avait point abattu sa fierté, et lui qui ne possédait en propre que les chaînes avec lesquelles il était revenu de son 2e voyage, il fit un testament de souverain par lequel il légua à ses fils et à ses frères les îles et les trésors qu'il avait découverts. Inutile de dire que ce testament resta lettre morte et qu'il n'eut pas plus d'effet que le titre de vice-roi, qui pourtant appartenait à Colomb non seulement par la reconnaissance des peuples, mais par acte solennel de la royauté espagnole. Son corps, enterré d'abord dans le couvent de Saint-François, fut placé, en 1513, dans le couvent des Chartreux de Séville, puis, en 1536, on le transporta dans la cathédrale de Saint-Domingue. C'était là sa véritable place, au milieu du monde nouveau qu'il avait découvert. Si ce grand homme de génie est mort abreuvé d'amertume, sans se douter de l'immensité de sa découverte, à laquelle on n'attacha point son nom, au moins n'eut-il pas le chagrin de lui voir donner le nom d'un autre, et Améric Vespucci, qui eut cet honneur immérité, n'en jouit pas non plus durant sa vie. Il n'y avait d'ailleurs aucune prétention, et si l'on voulait disputer à Colomb la gloire d'avoir découvert le continent américain, ce ne serait pas à lui qu'il faudrait l'attribuer, mais à un Français, Sébastien Cabot, lequel, à la vérité, atterra au Labrador, entre le 56e et le 58e de latitude, le 24 juin 1497. Mais qui eût pensé à ces terres nouvelles si le navigateur génois n'avait pas fait son premier voyage? Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que c'est un Français qui, de son autorité privée de géographe et de libraire, baptisa le nouveau continent du nom d'Amérique Vespucci. Cet Amerigo Vespucci, fils d'un riche négociant florentin, était employé principal de la célèbre maison de commerce fondée à Séville par un autre florentin, Juanito Berardi. C'est là qu'il connut Colomb, alors qu'il cherchait les moyens d'organiser son expédition et qu'il conçut pour lui, bien qu'il fût alors considéré comme fou par beaucoup de prétendus sages, une amitié et une admiration qui ne firent que s'accroître. N'ayant pu faire partie de la 2e expédition du grand génois, il en organisa lui-même une avec Alonso de Ojeda et Juan de la Cosa, qui avaient accompagné Christophe Colomb dans son 2e voyage. Mais cette expédition, partie le 20 mai 1499, ne lui donnait pas plus, d'ailleurs, que les 3 autres qu'il fit après, un droit à attacher son nom à un continent qu'il n'avait reconnu qu'après l'amiral. Aussi n'y prétendit-il jamais. Seulement, il fit imprimer le récit de ses 4 navigations par un libraire d'origine suisse, du nom de Waldesmüller, qu'il avait savantisé en suivi de Illa Comillus pour s'établir dans la petite ville de Saint-Dié en Lorraine. Cet Illa Comillus, comme tous les libraires de cette époque, est d'ailleurs professeur de géographie au collège de Saint-Dié et protégé à ce double titre par René II, duc de Lorraine, passionné pour la science géographique au point d'avoir fait exécuter à ses frais la célèbre édition in folio du Ptolémée à Strasbourg en 1513, qui ne parut que 5 ans après sa mort. Cet Illa Comillus fit précéder la relation des quatre navigations de Vespucci, avec lequel il était en correspondance suivi depuis longtemps, de son traité de cosmographie, dans lequel il propose de désigner le Nouveau Monde sous le nom d'Amérique. Il fit plus encore, dans une carte dressée par lui, et qui fut ajoutée à l'édition de 1522 du Ptolémée, il écrivit sur le continent nouveau le nom d'América. Les livres étaient rares alors, surtout les livres de science. La cosmographie de Illa Comillus fut réimprimée en 1509 et citée dans tous les ouvrages géographiques qui suivirent. On en fit deux réimpressions à Venise en 1535 et en 1554, si bien que tout le monde savant s'habitua à dénommer Amérique le monde nouveau découvert d'abord par Christophe Colomb et ensuite par les nombreux explorateurs dont les expéditions se succédèrent avec une rapidité et une fécondité dues à l'impulsion dont il était l'auteur. À lui seul appartient la gloire, car c'est lui qui a vu le premier non seulement les îles se rattachant au système de ce grand continent, mais ce continent lui-même. Et cette gloire est immense, car elle eut pour résultat merveilleux d'éveiller dans toutes les couches de la société une nouvelle vie de l'intelligence et du sentiment. Les espérances, les curiosités, prirent un essor plus audacieux qui peupla le nouveau continent de nombreuses colonies dont les émigrants, partis de tous les points du globe, formèrent avec le temps cette race nouvelle qui, vivant dans un milieu social dégagé de toute tradition, put y établir ces états libres dont le spectacle de la prospérité n'est pas sans influence sur le reste du monde. La découverte de l'Amérique est donc une date aussi importante dans l'histoire de l'esprit humain que dans celle de la civilisation matérielle, et le nom de Christophe Colomb mérite encore plus que sa célébrité. Ainsi s'achève Christophe Colomb, sa vie et ses découvertes, par Lucien Duras.